Question 13. Pour tourner à gauche, je passe devant la voiture jaune. Oui, réponse A. Non, réponse B. Devant la voiture blanche. Oui, réponse C. Non, réponse D.